الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لازلنا بحول الله عز وجل مع سورة الملك. On est toujours et on ne cesse d'expliquer ici par la permission d'Allah عز وجل سورة الملك, la royauté, سورة 67. Et on avait ici, on était arrivé au verset 15, si mes souvenirs sont bons. D'accord, مع قول الله عز وجل وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الله جل وعلا a dit, c'est lui qui vous a soumis la terre, parcourez donc ses grandes étendues, mangez de ce qu'il vous a, ce qu'il vous fournit, et vers lui est là et la résurrection. Et on a expliqué ce verset coranique et on avait rappelé l'importance de rester dans une terre où on peut pratiquer sa religion de façon correcte, c'est-à-dire de façon ouverte. Et on avait mis les conditions, d'accord, qui nous permettaient de rester dans un endroit, donc ici, ou alors les conditions qui faisaient que la personne devait obligatoirement quitter cet endroit où il n'arrivait pas à pratiquer correctement cette religion. Ensuite, Allah Jalla wa Ala, dans le même verset coranique, il a dit « Famshu ». D'accord ? Donc ici, il nous incite à bouger, à ne pas rester dormir. Et comme on le dit souvent, al-akhdhu bil asbab min at-tawakkul 'ala Allah 'azza wa jalla. Hadha huwa at-tawakkul al-haqiqi. Huwa alladhi ya'khudh bil asbab wa yatawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut. C'est ça la vraie confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de concrétiser at-tawakkul 'ala Allah 'azza wa jalla, c'est le fait de prendre, d'utiliser les causes et de placer sa confiance en Allah jalla wa ala. C'est cet ensemble-là qui est le vrai, qui est le fait de concrétiser at-tawakkul 'ala Allah 'azza wa jalla. Allah jalla wa ala ici, il dit mangez de ce qu'il vous fournit, vers lui et la résurrection. Mais avant cela, il dit parcourez, famshu fi manakibiha, parcourir. Et c'est pour ça que al-ulama, ils insistent sur le fait qu'on doit utiliser les causes et pas rester dormir. Al-mu'minu al-qawi khayru wa ahabbu ila Allah ta'ala min al-mu'min al-da'if wa li kullin khayr kama qala alayhi salatu wa salam fi as-sahih. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit le croyant fort est préféré, plus aimé auprès d'Allah azza wa jalla que le croyant faible, et dans les deux il y a un bien, certes. Clair, on parle de la force de l'iman, mais ça englobe aussi la force physique. On parle pas de la personne qui est fort pour opprimer les gens, pour terrasser les gens, pour faire du mal aux gens. Non, on parle de celui qui utilise même le minimum de force qu'il a physique pour pouvoir se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si c'est à travers une chose qui concerne les choses de mondaine, comme le travail. Parce que le travail, c'est une ibadah à partir du moment où tu pratiques un travail qui est légiféré en islam avec l'intention d'avoir de l'argent halal, licite. Clair ? Donc nous disons, il faut utiliser les causes et placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et pas rester dormir. Clair? Et ici, le prophète alayhi salatu wa salam a rappelé encore ceci. Et qu'est-ce que c'était que vraiment at-tawakkul 'ala Allah azza wa jalla, dans le hadith rapporté par at-Tirmidhi bi sanadin hasan, où le prophète alayhi salatu wa salam a dit, لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله. Si vous placez votre confiance en Allah jalla wa ala, comme il se doit, avec une traduction du sens, la razaqakumullah kama yarzuqu at-tayr. Il vous aurait donné, accordé votre subsistance, mais regardez la condition, law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih. D'accord, man haqqaqa at-tawakkul, ça on parle de celui qui a concrétisé at-tawakkul, c'est-à-dire il a utilisé les causes, légiféré, il a pris des causes, il a mis en application des causes, il a bougé. Et il a placé sa confiance en Allah Azza wa Jalla. Razaqakum kama yarzuqu at-tayr. Allah Jalla wa Ala vous aurait accordé votre subsistance comme il l'accorde à qui? À l'oiseau. Et il dit ici, il part le matin, le ventre creux ou vide, pour rentrer le soir, rassasié. Kama qala alayhi salatu wa salam, ici, yardu at-tayr, ou tardu khimasan, wa taruhu bitanan. Donc le matin, l'oiseau, il part, il fait les causes. Il vole. Il va chercher. Ça, c'est l'oiseau. Ghayru aqil. Ça, c'est celui qui n'est pas doué de raison. Et là, on parle de al-aqil, celui qui est soi-disant doué de raison, doté d'une raison. Et ici, avec cela, il reste chez lui dormir et il pleure parce qu'il n'a pas de son risque. Il n'a pas ici de subsistance. Il n'arrive pas à manger comme il se doit, à se vêtir comme il se doit, mais il reste dormir à la maison. Nous disons, Allah donne l'exemple de ce que c'est que le véritable tawakkul à travers un oiseau. Et toi qui es doté d'une raison, tu ne te comportes même pas comme l'animal, wal'iyadu billah. Donc tu restes chez toi et tu prends pas et tu utilises pas les causes. هذا ليس بالتوكل على الله عز وجل. Ça n'a rien à voir avec le tawakkul على الله عز وجل. Donc on doit utiliser les causes et travailler et partir chercher son risque. Maintenant les balances se sont inversées, lil asaf. Tu vois maintenant la femme et combien de sœurs se plaignent ici de plus en plus à notre époque parce que c'est elle qui assume le rôle de la femme et de l'homme en même temps. D'accord? Parce que la règle de base, la règle générale connue chez les musulmans et même chez les non-musulmans, c'est que, en général, on dit pas homme au foyer, hein, on dit femme au foyer, même ils le reconnaissent. Et la preuve qu'ils l'ont reconnu officiellement, c'est que femme au foyer, elle a le droit à une certaine allocation. Parce qu'ils considèrent ça comme un travail. Donc ils disent femme au foyer, maintenant c'est l'inverse. Illa man rahim Allah. C'est l'homme au foyer, la femme qui va travailler. Combien d'exemples nous avons dans ce sujet-là? L'homme qui reste dormir à la maison, et qui fait aucun effort, et qui fait rien du tout. Walakin, ici, la femme, miskina, elle doit utiliser ici toutes les, ou elle doit s'occuper de toutes les causes. C'est-à-dire, elle doit rester à la maison pour éduquer les enfants, pour faire à manger, pour faire le ménage. Et en plus de cela, on lui rajoute la charge où, qui est qu'elle doit aller travailler. Qu'elle doit ici bouger pour trouver son risque. Et qu'elle doit, et qu'elle doit, et qu'elle doit. Et ensuite, on dit, on est fier de dire, et ici, je parle pour moi le premier, Allah Jalla wa Ala a dit, Ar-Rijal Qawwamuna ala Nisa. Ah, on sort des versets coraniques. Les hommes, ils ont une autorité ou ils sont une force au-dessus des femmes et on a mal compris le verset coranique. Illa man rahim Allah. Sauf celui à qui Allah il a fait miséricorde. هذا كما قال العلماء الرجال قوامون على النساء. هذا يدل على أن ça prouve que quoi? C'est un التكليف ou bien التشريف. Ce n'est pas un honneur. On parle pas de sharaf, d'honneur ici. On parle de responsabilité en plus. Parce que ici, le fait d'être marié, le fait d'avoir une femme sous ta responsabilité quelque part, ici, ça veut dire que tu devras rendre des comptes sur toi, mais pas que sur toi maintenant, sur ta femme aussi. Sur ta femme aussi. Parce que ça ne suffit pas de dire, moi j'ai cette responsabilité, ça veut dire que, ici la femme doit obéir à son mari tant que c'est pas une désobéissance bien sûr envers Allah Azza wa Jal, et tant que le mari ne l'opprime pas, tant que le mari ne se comporte pas mal avec elle, etc. Il a akhiri. Lakin, ici c'est une réalité, la règle de base, la femme doit obéir à, elle doit obéir à son mari. Lakin les gens croient ici, illa man rahim Allah, que c'est automatiquement un honneur. Ah, c'est bon, elle doit m'obéir. Et certains partent dans l'excès, ils croient que t'as droit d'opprimer la femme, que t'as droit de... Et d'autres, ils pensent que c'est un honneur, dans tous les sens du terme. Et ils oublient que c'est une responsabilité en plus. Parce que si elle doit t'obéir, ça veut dire que toi, tu vas prendre des décisions. Et sur chaque décision, tu devras rendre des comptes. Et c'est pour ça, le prophète, alayhi salatu wa salam, à titre d'exemple, ici, il dit que l'homme... que la femme ne doit pas faire entrer une personne ici, chez lui, dans la demeure où il vit l'homme et la femme, sans, d'accord, illa bi idni rajul, sauf avec l'autorisation, la permission de qui? La permission du mari. Donc quelque part, il y a des maris qui vont dire, khlas, ah bah c'est bon, regarde, tu te maries, tu fais rentrer qui tu veux à la maison, et tu... Mais si tu le prends comme ça, tu vas prendre ici cette responsabilité comme un enfant. D'accord? À qui on lui dit, bon, là, s'il y a un jeu, t'as le droit de décider à ceci et cela. Mais si tu le prends comme il faut, c'est-à-dire en te disant, ça veut dire que toutes les décisions que je vais prendre, c'est moi qui endosse la responsabilité. Là, à ce moment-là, tu vas réagir plus avec équité, avec قال الله وقال الرسول وقال الصحابة, هذا هو العلم. Ça, c'est la science. Donc là, tu vas faire plus attention. Ah, khlas, d'accord, c'est moi qui ai la responsabilité de dire, est-ce que telle personne peut rentrer chez moi ou telle personne ne peut pas rentrer chez moi. Lakin maintenant j'ai compris que ça veut dire sur mes décisions, c'est moi qui va prendre la décision, donc ça veut dire que c'est une responsabilité en plus. Si je prends la bonne décision à faire rentrer une bonne personne chez moi, alhamdulillah. Lakin si j'ai pris la mauvaise décision, c'est moi qui va endosser ici les conséquences mauvaises. Parce que ça va se répercuter sur moi et peut-être je rendrai des comptes sur cette chose si j'ai mal fait au jour de la résurrection et la akhirah. Clair? Donc on dit ici que c'est bien beau d'utiliser des versets coraniques et des hadiths qui parlent sur la responsabilité de l'homme, etc. Mais on dit attention, ces versets coraniques, on les utilise pas comme on veut. Et ces versets coraniques, il faut prendre conscience que ça nous rajoute une lourde responsabilité sur le dos. Comme le fait d'avoir des enfants, pareil. Donc c'est bien beau d'avoir des enfants, de vouloir des enfants. Lakin, regarde la lourde responsabilité qu'a fait Sahih Muslim. Le prophète alayhi salam a dit, toute personne à qui Allah azza wa jal, il lui a donné ou lui a confié des gens sous son autorité et qui trahit ceux qui sont sous son autorité, il ne rentrera pas au paradis. Donc là tu vois que akhlas, ça devient plus une partie de plaisir quelque part. Lakin, ça, c'est une lourde responsabilité. Et plus tu rajoutes des personnes sous ta charge, et plus c'est une lourde responsabilité. Clair? Et c'est pour ça que le prophète dans Sahih Muslim, il a dit, Ya Abu Dhar, quand Abu Dhar, sahaba radiyallahu anhu, il a voulu prendre responsabilité pour gouverner une contrée, il lui a tapé dans l'épaule, il lui a dit ici, Ya Abu Dhar, il a dit, c'est une lourde responsabilité, et c'est une source de remords au jour de la résurrection. Al-Hadith. Regardez ce qu'il a dit, parce que là, il sait que il va rajouter, donc ici, des gens, sous sa responsabilité, donc ça t'incombe ici, plus de décisions. Et plus tu prends des décisions, et plus tu devras en rendre des comptes. Donc nous disons ici, ce qui nous attriste dans cette affaire-là, c'est que les rôles sont inversés. Maintenant tu vois les femmes qui sortent ici, qui sont toute la journée dehors, et l'homme toute la journée à la maison. À cause de quoi? La paresse. Et qu'on a mis des textes hors contexte, ou qu'on ne craint pas Allah Jalla wa Ala comme il se doit. Alors que la règle de base, c'est l'inverse. C'est que la femme au foyer, en général, ça ne veut pas dire, je dis pas que la femme n'a pas le droit, c'est interdit qu'elle travaille en islam, lakin bidawabit, ici avec bishurut, ici avec des conditions religieuses, etc. Lakin, la règle de base en général, ce qui est connu, comme je dis même chez les non-musulmans, c'est qu'en règle générale, la femme est plus à la maison que l'homme, la femme est à la maison. Et en islam, bien sûr, la femme, elle peut sortir, elle peut travailler, lakin, avec des conditions et des règles bien définies. Et ceci, c'est pour préserver la femme. C'est pas pour opprimer la femme, c'est pour préserver la femme. Parce que en islam, est-ce que la femme, elle a le droit de vivre avec un mari alors qu'elle est malheureuse avec ce mari? La preuve que c'est une réponse ici claire à ceux qui disent, oui mais voilà, et qui mettent hors contexte les textes. Et ils disent, voilà, bah donc ça veut dire que la femme c'est mieux qu'elle reste chez elle, ça veut dire qu'elle est opprimée, elle est en prison. Mais non, ce n'est pas possible ça, parce que même si la femme, elle vit malheureuse avec un homme, et elle dit, je ne peux plus vivre avec cet homme parce que je suis malheureuse, est-ce que c'est son haq de divorcer? Elle a le droit de faire al-khul ou pas? Elle a le droit de faire al-khul. Parce que ici, le but du mariage, c'est quoi? C'est litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayat. C'est pour que vous viviez en tranquillité avec elle. Et il a instauré al-mawadda wa rahma, de la bonté et de l'affection entre vous. S'il n'y a plus cela, où la femme est opprimée, ou la femme, est-ce qu'elle a le droit de se séparer? Elle a le droit. Donc ici, nous sommes d'accord que ici, la femme, elle doit vivre heureuse dans un couple. Donc clair. Maintenant, ça c'est la preuve que quand on dit à la femme, c'est mieux qu'elle reste chez elle, qu'elle sorte dehors, c'est pour la préserver et pour garder un certain équilibre, pour pas inverser les balances jusqu'à ce que les hommes restent à la maison et la femme, là, elle devient quelque part une femme opprimée. Elle va travailler toute la journée, elle rentre pendant que le mari, Bayna Qawsain, il se la coule douce, tranquille à la maison. Masha'Allah. Et après, il sort les versets, les hadiths, comme bon lui semble. Clair? Et donc, ça, c'est la règle générale. C'est mieux que la femme reste à la maison et que le mari sorte à l'extérieur. Bien sûr que la femme peut sortir. Lakin, la femme, à la règle de base, c'est quoi aussi? Que la femme, elle sort? Bi'idhni zawj. Avec l'autorisation, la permission du mari. Et, wallahi ta'ajjab, j'ai écouté un shir qui, ala kulli hal, sans rentrer dans les détails, qui lors d'une émission, regardez les shubuhat. Et ceux qui, subhanallah, font rentrer shubuhat dans le cœur des gens. Ils disaient, voilà, la femme, ils ont posé la question. Donc, est-ce que la femme peut sortir sans l'autorisation de son mari? C'est-à-dire, voilà, je répète, ça ne veut pas dire que nous, on dit, la femme doit sortir avec l'autorisation de son mari, c'est-à-dire qu'elle est en prison. On n'a pas le droit. La femme est opprimée, elle peut se séparer de son mari. La femme, elle vit mal, elle est mal, elle se sépare de son mari. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le meilleur avec ses épouses. Khayrukum, ici, ou comme a dit Ali sallatou wassalam, khayrukum li nisa'ihim. Le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur avec sa femme. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Comportez-vous convenablement avec elle. Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqa. Wa khayrukum li nisa'ihim. Ça, c'est clair. Lakin, la règle, elle est là. La femme, la takhruj min baytiha illa bi idni zawjiha. Avec lui, ça, c'est clair. Et lui, il dit, non, il y a des gens, et regardez comment il fait tourner ça veut dire que, et ça, c'est ça quand on dit, kalimatu haqqin yuradu biha batil. C'est ça quand on dit la parole vraie, lakin ayant voulu quelque chose de faux. Pourtant, c'est quelqu'un qui a un certain niveau, mais regardez, il dit, voilà, certaines personnes, ils rendent la femme, à la maison, comme un oiseau en cage. Ajib, devant des milliers de téléspectateurs. Et ici, il dit, voilà, c'est comme s'il avait la clé, et il ouvre la cage quand il veut. Et il dit, regardez. Et il sort un hadith, d'accord? Et il sort un hadith, et il dit, Ajib Allah. Et il sort le hadith, et il dit, voilà, comme quoi il y a un hadith où il y aurait une personne qui voulait aller visiter son père, mais son mari n'était pas là, et il lui a pas donné l'autorisation, et son père, il était mourant, jusqu'à ce que son père, il est mort, et elle n'a pas visité son père, parce que ici, son mari lui a pas donné l'autorisation, il était en voyage, il n'était pas là, et là, il dit, eh ben, voilà, je l'annonce que ce hadith est un hadith faible. Même il est très faible. Comme l'a dit Cheikh Al-Albani, Ajib les gens, qui aiment dire Cheikh Al-Albani a dit quand ça les arrange. D'accord, Cheikh Al-Albani il a dit, khlas, il est faible. Wadih, yalla, wasil ya akhi al-habib. T'as ouvert la porte, ferme la porte. T'ouvres pas une porte, tu peux pas la fermer. Il dit, Cheikh Al-Albani dit, on est d'accord. Il dit, par contre, ja'a fi sahih al-Bukhari. Il dit, rapporté par al-Bukhari. Que un jour le prophète alayhi salatu wa salam a vu Aïcha radiyallahu anha wa ardaha en dehors de sa maison et il lui a dit ya Aïcha, aïna kunti, où tu étais ya Aïcha? Et elle a dit j'étais à tel endroit où visiter ses parents, je sais plus exactement, ala kulli hal, elle a dit où elle était et il n'a rien dit. Donc il dit voilà, là on a un hadith faible et là on a un hadith sahih. Donc voilà, mais imaginez-vous billahi alaykoum, quelqu'un qui va écouter ça et il va avoir bon la posture de Cheikh ou Oustad ou Imam ou autre, à la télé, il va entendre ça, il va dire, Khalas, wadih ya akhi, qala Allah, qala Rasul, mon frère. Hein? Ya akhi, Ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala, rahmatan wasi'a, il dit, il y a ijma' sur la question. Ibn Taymiyyah, il dit, il y a ijma' sur la question, qui est que la femme sort de chez elle, qu'avec la permission de son mari. Ibn Taymiyyah à la montagne, il a dit ça, il a une révélation, il dit, oh bah tiens, il y a ijma'. Si Ibn Taymiyyah le dit, c'est qu'il y a une raison. Je répète, ça veut pas dire que l'homme, il dit, oh bah c'est bon, non, la femme, elle doit vivre épanouie, elle a le droit de sortir, elle a le droit de travailler, elle doit être heureuse, elle est malheureuse, elle divorce, celui qui l'opprime, c'est un égaré. On est d'accord. Lakin a tout cela avec des conditions, tout simplement. Ramasse tout cela avec des conditions religieuses, d'accord, et qui sont basées sur le respect. Tout est basé sur le respect en islam. Vous croyez qu'il y a des conditions et des règles qui sont basées pour que l'homme opprime la femme ou que l'homme ne respecte pas la femme ou vice versa? C'est basé sur le respect. Et le couple, on sait très bien qu'il est basé sur le respect. Toute relation, elle est basée sur al-ihtiram wal-adab, la politesse et le respect. Et quand il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de stabilité. Ça, c'est connu dans une société, dans une collectivité, dans un couple, dans une relation entre frères, entre sœurs, etc. Il a akhiré. C'est pour ça que, ici, dans un couple, quand il n'y a plus de respect, et quand ça dépasse le fait de ne plus respecter, on part dans l'excès, dans l'irrespect, c'est impossible que ça dure. Ça, tout le monde le sait. Et tout le monde, quand vous allez voir des gens qui arrivent au divorce, vous allez voir que quand vous allez intervenir, vous voyez que la barre, d'accord, la limite du respect, elle a été franchie. Ça y est, tu peux plus. Et ça, c'est quand tu vois qu'il y a ça. Bien sûr, attention, ce n'est pas n'importe qui prend la responsabilité de dire « je vous conseille de divorcer ou pas ». Celui qui prend cette responsabilité, il a intérêt d'avoir les reins solides, à même Allah, yawm al-qiyama. D'accord? Faire très attention. Mais il y a des fois où il y a des gens, ils sont aptes à dire, voilà, vous divorcez. Et parmi, il y a des cas où tu vois, c'est impossible. La barre du respect, et il faut savoir, c'est quoi la barre de la limite qui a été franchie ou pas. Mais moi, je vous dis, je vais partir à l'excès, pour pas ouvrir des portes, et il y en a qui vont commencer à jouer, ah bah celui-là, la limite est dépassée ou pas. Mais il y a des limites, là, ça veut dire que la personne, dès qu'elle voit son mari, elle peut pas faire une phrase sans lui donner 5 insultes. Le mari, pareil, il n'y a que des insultes. Ils ont des enfants. C'est la guerre, jour et nuit. Peut-être ils s'entendent bien une fois dans le mois ou dans les 2 mois. Et t'as fait des rencontres, d'essayer d'arranger les choses. Qu'est-ce que tu vas continuer? T'es en train de gâcher la vie de ce couple, de ce mari et de cette femme. Et t'es en train de traumatiser les enfants. Donc on dit ici quand il n'y a plus de respect, khlas. Donc là c'est basé sur le respect, on est d'accord. Mais il y a des règles ici qui sont en islam et qu'on peut pas modifier ou faire ta'wil, l'interprétation fondée sur les passions. Amma ta'wil, l'interprétation, que ça soit dans l'aqida ou dans le fiqh, c'est autorisé ou pas? Ta'wil, l'interprétation. Dans l'aqida, c'est autorisé à ta'wil ou pas? Dans certains cas, c'est autorisé, même dans l'aqida. À partir du moment où cette interprétation est conforme au Coran et à la Sunna, bi fami salaf al-umma. L'interprétation, oui, mais selon ce que Allah a dit, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, pas selon tes passions. Et les gens qui ont fait cela, l'interprétation fondée sur leur passion dans l'aqida, c'est eux qui sont tombés dans les sectes égarées, al-ahbash ila akhiri. Donc nous disons, il faut faire attention dans les interprétations des textes. Et tous les textes qui montrent que la femme, elle doit sortir avec l'autorisation de son mari, il les a mis de côté, ajib. Et regardez, il y a une règle dans Usul al-Fiqh qui nous dit, ici, al-mantouq, ce qui est prononcé, muqaddamatun ala al-mafhum, ça devance ce qui est compris. C'est une règle dans Usul al-Fiqh. Donc on a des textes, on a un texte sur le Bukhari ici. Ou comme quoi, Aïcha radiyallahu anha wa arda était dehors, et que le prophète alayhi salam est rentré, il a vu dehors, il a dit tu étais où? D'accord, c'est une chose qui peut avoir divers compréhensions et interprétations, on est d'accord. Peut-être, est-ce que c'est possible ou pas? Peut-être que le prophète lui a donné l'autorisation de sortir, tout simplement. C'est possible ou pas? C'est pas interdit ça, on a dit avec l'autorisation, ça veut pas dire que c'est la femme, elle est à la maison, c'est comme un oiseau dans une cage, wal iyadu billah. Le mari peut dire, là, elle dit cet après-midi, est-ce que je peux sortir? Oui, tu peux sortir. Et il sait où elle va aller. Soit je suis chez mes parents, soit je suis là, soit je suis là, soit je suis là. Juste pour un équilibre. C'est pas le mari rentre, et c'est pour encore la protection de la femme. Parce que la femme, elle est plus faible que l'homme. Ah, c'est pas des non-musulmans qui vont dire, non, attendez, qu'est-ce que vous dites, c'est de l'inégalité. Ah, subhanallah, inégalité. Bah, va dire aux femmes d'ouvrir des boîtes de maçonnerie. Ah non, la femme, elle peut pas. Ikhlas, la femme, elle a pas la même force que l'homme. Ça, tout le monde le reconnaît. Nous disons, c'est pour protéger la femme qui est plus faible que l'homme. Et ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être plus forte en croyance, en foi, en science, en conviction. Non, on parle du physique, c'est une chose connue. Claire ? Donc nous disons, c'est pour protéger la femme. Peut-être le mari va rentrer, il va pas voir sa femme, il va s'inquiéter. Elle est où ? Peut-être qu'elle va être dehors, peut-être qu'il va lui arriver un danger, peut-être qu'elle a fait un accident. Donc c'est pour avoir un équilibre dans le couple. Claire ? Donc comme elle est plus faible, elle a besoin de plus de protection. Comme un enfant qui est petit, plus jeune, il va pas sortir tout seul. Ah, pourquoi tu ne le laisses pas sortir tout seul? Eh, c'est quoi? C'est comme un oiseau dans sa cage. Et tu ouvres comme tu veux, tu fermes quand tu veux. Voilà, iyadou billah. Au contraire, là, on va dire non. C'est pour quoi? C'est pour protéger l'enfant. C'est pour préserver l'enfant. Donc c'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'il est plus faible. Donc c'est la même chose, simplement pour protéger, pour préserver la sœur. Donc nous disons simplement qu'on soit au courant. Que l'homme soit au courant, c'est pour un bienfait pour elle. Donc là, on lui dit, par exemple, peut-être, Rubama, le prophète alayhi salatu wassalam, et il peut avoir différentes interprétations et compréhensions. Ici, peut-être le prophète lui a donné l'autorisation d'aller ici, soit chez ses parents, soit à tel endroit, ou sortir, ou à... Il lui a donné l'autorisation générale. C'est possible, c'est possible. Maintenant, ça, c'est, il y a différentes choses qui peuvent être comprises. Donc, on va à ce qui est clair. On va à ce qui est prononcé clairement. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, dans plus d'un texte, il a montré que la femme doit sortir avec l'autorisation du mari, de façon claire. Et ici, on voit juste des hadiths qui ont été authentifiés par Cheikh Al-Albani, que vous trouvez dans Sahih Al-Jami', plusieurs versions de ce hadith-là. Où le prophète, alayhi salatu wassalam, il montre clairement que normalement, le mari peut interdire à la femme de sortir. Quand c'est un bien pour elle, ou alors, il peut lui dire simplement non. C'est pas, il l'opprime, ou il lui dit non. Non, ça, on parle pas de ça. Là, on parle qu'il a le droit de dire non, je préfère pas que tu ailles dans cet endroit-là. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il parle de bayt min buyutillahi azza wa jal. D'accord? D'une maison, parmi les maisons d'Allah azza wa jal, ou, il parle sur les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire al-masajid. Khayrul biqa' ila Allah azza wa jal ala dhahri al-ard, c'est quoi? Al-masajid, les meilleurs endroits, les meilleurs endroits sur la surface de la terre auprès d'Allah jalla wa ala, c'est les mosquées. Avec cela, le prophète alayhi salatu wa salam, qu'est-ce qu'il dit? La prière de la femme accomplie chez elle est meilleure que celle qui est faite à la mosquée. On est d'accord? Là, on a un texte. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit la prière de la femme, elle est meilleure que si elle faisait la prière à la mosquée. D'accord? Et à côté, on a un texte, plus d'un texte, où le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, la tamna'u, n'interdisez pas, qui? Les servantes d'Allah de se rendre dans les mosquées. D'accord? Ne leur interdisez pas. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire quoi automatiquement? Qu'on peut interdire. Parce que sinon, elle aurait dit, vous n'avez pas le droit d'interdire aux femmes quoi que ce... Non, il a montré l'exception. Les mosquées d'Allah ne leur interdisaient pas. D'accord? C'est la preuve que l'interdiction, c'est connu. Mais ne leur interdisaient pas de se rendre dans les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Claire? Vous voyez, donc ici, on voit que il y a un texte où la femme peut rester chez elle. Même c'est mieux de rester chez elle. Mais regardez, on voulait qu'on pousse encore plus loin. Regardez, elle va rester chez elle. Moi, je vais lire le texte, voilà, khlas. La prière de la femme à la maison, c'est mieux que si elle la faisait à la mosquée. Donc la femme, elle va dire quoi? Et le mari va dire quoi? Regarde le texte. Ma sœur, c'est mieux à la maison. Mieux que la mosquée. Alors que dire des endroits qui sont les endroits les plus détestés d'Allah Azza wa Jalla, c'est quoi? Al-Aswaq. Ça, c'est les mosquées. Avec cela, c'est mieux chez elle. Donc reste chez elle. La sœur, elle va dire, ah bah, khlas, moi j'ai un autre texte. Le prophète, il a dit, la tamna'u. Ici, n'interdisez pas, t'as pas le droit de m'interdire. N'interdisez pas les femmes de se rendre à, dans les maisons d'Allah. Clair? Donc, t'as pas le droit de l'interdire et la femme, elle va, elle a poussé plus sa recherche. Et elle va dire, et en plus, à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, ici, les femmes, dans plus d'un hadith, comme dans un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani, ils faisaient, et ils avaient l'habitude de faire salat al-fajr derrière le prophète, alayhi salatu wassalam, dans la mosquée. Ça veut dire, même dans les moments, comme al-fajr, ou bien al-isha, ou bien al-maghrib, ici, il y avait quoi? Les femmes qui avaient l'habitude, qui sortaient de chez elles pour aller prier à la mosquée, dehors, même la nuit, même le matin tôt, al-fajr, pour aller prier derrière le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc ça veut dire que si les femmes le faisaient, à l'époque du prophète, et le prophète leur a pas interdit, et ils avaient comme pour habitude d'y aller, et pourtant, le prophète, alayhi salatu wassalam, c'était... Normalement, il aurait dû leur dire, on va dire, si on suit cette théorie-là, non, arrêtez de prendre cette habitude, priez chez vous. Mais il leur a pas dit ça. Il a dit un hadith qui montre que la prière, donc là, on parle de la prière. La prière, elle est mieux à la maison. Mais à côté, ils avaient l'habitude de prier à la mosquée, le prophète était là, il leur avait rien dit. Donc comment on a lit, maintenant, entre les textes? C'est quoi le mieux, alors, maintenant? De faire comme les femmes, ils faisaient à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, prier à la mosquée, derrière le prophète, alayhi salatu wassalam, et aller à la mosquée, même al-fajr, même al-maghrib, même al-isha. Ou bien, ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, c'est-à-dire de rester à la maison. C'est quoi le mieux? Et après? C'est eux d'être? Ça c'est un texte ici, il y a deux. D'accord, on va dire il y a deux. Moi j'ai deux textes, toi t'as deux textes. Toi, lui j'ai le texte sahih, comme quoi le meilleur endroit pour la femme c'est dans sa chambre, la meilleure prière. Si elle prie pas, elle prie dans le salon, si elle prie pas dans la cour, etc. Mais le meilleur endroit c'est dans sa chambre. La femme c'est bien qu'elle fasse un petit endroit dans sa chambre où elle prie, c'est le meilleur endroit. Clair? Et il y a un autre endroit où le prophète Al-Assoum il a dit la prière elle est mieux ici, dans d'autres textes le prophète Al-Assoum il dit... Ici que la prière de la femme chez elle, c'est mieux. Mais dans d'autres textes, on a vu comme quoi, ici le prophète dit, ne leur interdisez pas. Donc c'est que c'est un bien pour elles. Et à côté, les femmes, ils allaient prier derrière le prophète, alayhi salatu wassalam. Regardez les ulama, comment ils ont allié entre les textes. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, l'a fait. Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, aussi l'a fait. Il a pris cette interprétation en disant que, en alliant entre les textes, nous disons, que la femme, c'est mieux pour elle de prier à la maison qu'à la mosquée, même si c'est la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam, où la récompense est de 100 000 prières. Où la récompense est de 1000 prières, à la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam. Lakin, comme le prophète a dit, leur interdisez pas. Et comme on a un autre texte, où les femmes avaient l'habitude de prier al-fajr, et les prières même du soir, et les prières de la journée, derrière le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est qu'on en déduit que, la femme qui veut aller à la mosquée, non seulement pour prier, mais pour prier et s'instruire, parce que les femmes allaient prier derrière le prophète alayhi salatu wassalam pour s'instruire, parce que le prophète alayhi salatu wassalam, il donnait des instructions, il enseignait la religion aux gens, où? À la mosquée. Et quelquefois, il commençait à dhuhr et finissait à al-maghrib. Et donc, les femmes qui allaient là-bas, ils allaient aussi pour s'instruire. Donc ils disent, si la femme va à la mosquée pour prier, mais non seulement pour prier, pour s'instruire aussi, avec une personne de science, un homme, parce que là, Cheikh Al-Albani, d'autres, ils disent comme quoi les réunions entre femmes dans les mosquées, il a akhiré, à la koulihaj, je rentre pas dans cette porte, mais pour s'instruire, à ce moment-là, il est meilleur pour la femme de prier à la mosquée que de prier chez elle. Voilà comment on allait entre les textes. Mais est-ce que ça nous suffit d'utiliser un texte et de voir une parole d'un savant et de regarder que ce qu'on pense, ce qu'on voit. Et on pourrait aller même encore plus loin, en continuant à rentrer dans les détails, en citant des règles de Usul al-Fiqh. Lakin, ce n'est pas le cours, et je voulais pas m'attarder sur cela. Walakin khair, inshallah. Ala kulli hal, pour dire simplement que, voilà, il faut faire attention. Les gens font rentrer à Shubuhat facilement. Voilà, ça c'est un hadith faible, ça c'est un hadith authentique, et intaha al-kalam. D'accord? Wa yughliq al-bab, il ferme la porte, khlas. Mais il a pas ouvert la porte où Ibn Taymiyyah, il a dit, il y a ijma'. Et quand on dit il y a ijma', c'est pas il y a ijma' depuis l'époque du prophète Al-Assam jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on trouve certains savants comme Ibn Rajab, il va dire il y a ijma'. Peut-être il considère que d'après sa connaissance à son époque, les savants de son époque, il y a unanimité, il a akhiré. Là que nous disons, comme quoi Ibn Taymiyyah, il considère qu'il y a ijma' sur la question. Lui Ibn Taymiyyah, je dis pas qu'il y a ijma' dans tous les sens du terme depuis l'époque jusqu'à aujourd'hui. Mais nous disons que, regardez jusqu'où il a été. et pour nous dire après rentrer des choubouates et ceci et cela. Donc nous disons, Ahibati Fillah, pour en revenir, ici, il faut que l'homme n'opprime pas sa femme de façon directe ou indirecte. Et le fait de pousser sa femme à aller travailler et quand toi tu restes dormir toute la journée, ça quelque part tu l'opprimes. Clair? Amma si la femme elle veut travailler de elle-même et le mari aussi il assume le travail et ici les règles ici sont respectées pour pouvoir travailler, ici bien sûr qu'il n'y a pas de mal. Ici il n'y a pas de problème. Lakin a respecté les règles qui font que la femme elle peut travailler de façon légiférée en pratiquant sa religion comme il se doit correctement, il est akhir. D'accord? Donc nous disons il y a des règles à respecter pour qu'il y ait un bon équilibre dans le couple et que on ne soit pas des gens faibles comme on a dit al-mu'min al-qawi khayr wa habbu ila Allah min al-mu'min al-da'if wa li kullin khayr kama qala alayhi as-salam. D'accord? Et ça la faiblesse des gens et ça je parle, c'est pas parce qu'il y a que un cas, il y a des centaines de cas qu'on a. Et à chaque fois vous voyez des cas wallahi quelquefois j'ai du mal à tenir le téléphone. Ça me choque tellement, j'arrive même pas à écouter la sœur qui raconte jusqu'au bout. Parce que c'est choquant. Je dis, subhanallah, on arrive où? Et ça, c'est le frère qui dit, après, peut-être, il sort l'ihya, qamis, rubbama, peut-être. Je suis pas en train de généraliser. Mais peut-être, rubbama, et qui vient à la mosquée, mashallah, oh, ça, c'est pas bien, ça, c'est bid'a, ça, c'est... Et après, peut-être, sa femme, elle est en train de travailler toute la journée, et elle ne veut pas, elle préférerait s'occuper des enfants, ou alors, pratiquer sa religion correctement, et se rapprocher d'Allah, jalla wa ala. Voilà qu'il y a un khir. Parce que je vois, subhanallah, en général, wallah, et je dis en général, et je souligne en général, les femmes qui sont le plus quelque part opprimées dans les couples, ou alors qui vivent le plus difficilement, c'est celles que tu verras qui s'accrochent le plus à la religion. C'est celles qui s'accrochent, tu dis subhanallah, avec tout ça, et ben ça la pousse à s'accrocher encore plus, et tu vois les convictions, et mashallah, et tu la vois la sœur, elle apprend, et elle avance, et elle se barre, et elle fait tout pour éduquer ses enfants, et elle est toute seule. Et quand on voit qu'il y a un certain équilibre et confort dans certains foyers, et ben c'est là où il y a du relâchement malheureusement. C'est pour ça on dit ici كما قال جل وعلا وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. On en revient à quoi? Famchou fi manakibha. Allah il dit parcourez, famchou. Donc ici place ta confiance en Allah, la vraie confiance en Allah c'est quoi? الاخذ بالاسباب ومع ذلك التوكل على الحي الذي لا يموت. Clair? C'est pas rester dormir et profiter des moyens qui nous sont donnés, alors quelquefois c'est illicite. Mathalan, al-insan ya'khudh kasb min al-mal min ad-dawla. D'accord? Wa la yastahiq hadha al-mal. Quelqu'un va prendre une somme d'argent de l'État, comme on le dit souvent, et il n'a pas le droit, il ne mérite pas cet argent. C'est donné par exemple à des pauvres et à des nécessiteux. Combien de sœurs, fa wa rabbil Ka'ba, et les sœurs se reconnaîtront, qui m'appellent et qui me disent, oui mais moi je suis avec un homme qui n'a pas le droit au RSA ou au RMI ou à telle aide. Mais ici, il le prend comme un. Il n'a pas le droit parce qu'il travaille à côté, etc. Il ne déclare pas. Et moi, je veux pas cet argent. Combien de sœurs me le disent? Je dis, subhanallah, c'est les femmes qui regardent, mashallah, tabarakallah, qui ont cette conviction religieuse, qui disent, je veux pas de cet argent. Et elle dit, comment je dois faire? Comment? Ou des frères qui disent, je veux pas me marier, à la mairie. Je reste vivre, donc, bayna qawsayn, en concubinage. Pourquoi? Pour que chacun bénéficie de son côté des aides de l'État. Wal'iyadu billah. C'est-à-dire que la femme, elle a une certaine aide, et l'homme, il a une certaine aide, et qu'ils aient plus d'aide que s'ils étaient déclarés ensemble. Et la femme, elle dit, moi, je n'accepte pas ça. Donc moi, je sais que je suis dans une situation illicite, comment je fais? Et ça, c'est quoi? C'est quoi ça? Ça veut dire que la personne, il voit sa femme qui lui dit, je veux pas de cet argent licite, et il n'a pas d'honneur pour dire, bah, classe, on va aller faire le mariage, on va se déclarer comme ça, au moins, on a ce qu'on mérite. Clair? Et cet argent-là, bien sûr, à ce moment-là, il devient illicite, haram. Subhanallah al-Adim, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, parmi les signes de la fin des temps, les gens ne se préoccuperont plus d'où vient l'argent, l'origine de l'argent. Ahuwa halal am haram? Est-ce qu'il est licite ou il est illicite? Nahnu fi hadha al-asr. C'est-à-dire, les gens, ils prennent de l'argent, et ils vont dire certains, oh, mais on est dans un état mécréant. On entend ça. Oh, on est dans un état mécréant. Subhanallah. Et ça veut dire que lui, il a instauré ses règles. Je suis dans un état qui n'est pas musulman, donc il déduit mécréant, j'ai droit de, va voler alors dans ces cas-là. C'est-à-dire presque qu'il va rentrer dans le supermarché, il y en a qui le font. Hein. Il vole, il va voler, il va dire, ouais, bah, parce que alors, c'est pas des musulmans. Mais on va où, là? Subhanallah al-Adim. Donc c'est pas musulman, tu vas rentrer dans l'excès, d'accord. Mais qui est musulman pour eux? Et ces gens-là, personne n'est musulman pour eux. Hein. C'est-à-dire, il va aller de même dans un pays musulman. Akhlas, wa man lam yahkum bima anzalallah fa'ulaika humul kafirun. Impression, il y a une loi ici, bizarre, hein. Et pas bien appliquée comme Allah il veut. Kafir. Je peux rentrer dans le supermarché et voler. Mais quand tu rentres chez lui, allez où la sharia? Hadith wa la haraj. Et ta sharia chez toi, elle est où? Frère, sharia, subhanallah. Sharia chez toi, t'arrives pas à la faire. Toi, tu parles de ceux qui font pas sharia dans un pays ou dans un état. Ou sharia, tu crois que c'est pas pour toi? Et quand lui, tu vas lui dire des choses qui font partie de sharia, Ouais, mais écoute, fattakullah mastata'atum. Ah, il hakim qui essaie de faire des efforts et qui reste musulman et que l'ulama il dit là, il khruj min al-milla, etc., etc. Tu dis, ah bah non, ces savants c'est des mourdji et lui, c'est un kafir. On va où? Donc on joue pas avec un nonsos min kitabillah wa min sunnati rasulillah alayhi salatu wa salam. Et quand une somme d'argent nous est donnée, peu importe de qui, et même si tu n'aides, d'accord, c'est une bonne action. On dit pas une œuvre salutaire agréée par Allah, mais c'est une bonne action en soi-même. De l'État, peu importe, musulman, non-musulman, athée, il te donne. Mais il te donne avec des conditions. On te donne parce que tu es considéré comme une personne pauvre. Mais toi, alhamdoulilah, c'est pas la personne, elle est là, bas aliha. Alhamdoulilah, tu rentres chez lui, tu dis Allah ibarak, tabarakallah. Et par contre, ici, il prend toujours tous les mois l'argent de l'État et pourtant il est à l'aise. Cet argent-là, il n'a pas le droit de le prendre. Cet argent-là, il est haram. Et ici, cet argent-là, la seule chose, c'est qu'il doit retourner à qui? À l'État. Sinon, c'est du vol. Donc, nous disons, chaque chose a sa place, bi'idnillah azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala, il a poussé ici les gens à chercher leur risque, et on en a parlé. Et ensuite, Allah jalla wa ala, il dit, أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضِ فَإِذَا هِيَ تَمُورِ. Êtes-vous à l'abri? Et Allah Jalla wa Ala yukhatibu ha'ulai al-mushrikin. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à qui? Il s'adresse aux associateurs. Et il leur rappelle que personne n'est à l'abri. Qu'Allah Jalla wa Ala descende une musiba sur lui, ou sur un peuple, ou dans une contrée où personne n'est à l'abri. Et ici, Allah Jalla wa Ala le rappelle, il s'adresse aux associateurs qui ne croient pas en Allah Jalla wa Ala il akhiré. Et il dit, avec une traduction approximative, êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel vous enfouisse en la terre? A'amintum. D'accord? Est-ce que vous êtes à l'abri? Ici, a'amintum, man fi samaa, an yakhsifa bikum al-ard, fa idha hiya tamur. Ici, man fi samaa. On parle de qui ici? De celui qui est dans les cieux. Man fi samaa, on parle d'Allah Jalla wa Ala, que celui qui est dans les cieux. Et ça, c'est un rad clair à ceux qui n'établissent pas et qui n'affirment pas al-ulu. Ici, l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى فِي كُلِّ مَكَانِ وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. Ça veut dire que وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ مَعَذَ اللَّهِ. C'est comme si la personne, elle disait فِي كُلِّ مَكَانِ, il est dans ma poche. Allah Jalla wa Ala, il est où? Il est dans un tiroir. Il est dans فِي كُلِّ مَكَانِ. Allah Jalla wa Ala, il est où? Allah subhanahu wa ta'ala خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. Donc combien de versets Allah jalla wa ala il a rappelé qu'il a créé les cieux et la terre et qu'il s'est établi au-dessus de son trône, et son trône est au-dessus des sept cieux, et Allah jalla wa ala est au-dessus de toutes ses créatures et de toute sa création subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa ala, il est établi au-dessus de son trône. Et Allah Jalla wa Ala, il dit, أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي سَمَاءِ. Êtes-vous à l'abri que celui qui est dans les cieux? Et déjà, il vous dira, مَنْ فِي السَّمَاءِ, dans les cieux ou au-dessus des cieux? Al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala, il dit, et il apporte les preuves, que dans plusieurs versets coraniques, ici, فِي indique soit فَوْقَ ou bien عَلَى. كَمَا قَالَ جَلَّ وَعَلَى, فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ. Allah Jalla wa Ala dit fasiru fil ard, parcourez la terre. Fasiru fi ay al murad, fasiru ala al ard. Et il y a plusieurs endroits dans le Coran al-Karim où le fi désigne ala, et d'autres endroits qui désignent fawqa al ard, ou bien ala al ard, ou bien ala, ça dépend. Donc sur ou au-dessus. Et plusieurs endroits dans le Coran al-Karim, comme l'a dit al-Qurtubi wa ghayru min ahli al-ilm. Et là l'explication de fi sama, donc là on va voir que c'est, on est dans quelque chose qui est où il y a ici des qui peut prêter à mauvaise compréhension, qui peut montrer une certaine ambiguïté. Donc on le renvoie à quoi? Al-muhkam, c'est ça. C'est comme ça qu'on doit réagir. Amma alladhina fi qulubihim zayrun, ceux qui ont des maladies dans leur cœur, ceux qui toujours ils essayent de chercher ce qui leur arrange, etc. Qu'est-ce qu'ils vont chercher? Ils vont délaisser le muhkam, ils vont aller voir al-mutashabih, ce qui est ambigu. Amma ceux qui ils sont ancrés, enracinés dans la science, ils vont dire quoi? Kullu min indillah, kullu min indi rabbina subhanahu wa ta'ala. Tout vient d'Allah, tout vient de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Allah il a établi comme ça, khlas, sami'na wa ata'na. Mais les gens qui ont des maladies, toujours regardez, ils vont aller sauter sur l'ambigu, comme je vous ai donné l'exemple même dans le fiqh. Et dans l'aqida aussi, mais dans le fiqh avec la personne, oui, regardez, un tel était dehors, il lui a dit, t'étais où? Ah, j'étais dehors, ah, il lui a rien dit, khlas Bukhari. L'autre hadith, c'est un faible, Albani a dit. Bah, dis Albani, qu'est-ce qu'il a dit sur cette version alors? Il dit, Cheikh Albani, qu'est-ce qu'il a dit alors sur cette question alors? Donc ça veut dire que toi, t'as utilisé l'ilm de Cheikh Albani pour dire après, utiliser, entre guillemets, à ta sauce, mais maintenant dans ce point-là, ici, vas-y, dis, et ça, il y a des gens, malheureusement, wal'ayadu billah, quelquefois ils apprennent la science. Et voilà, vous allez voir des niqash quelquefois de Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala avec des gens, que ce soit des gens qui sont tombés dans l'irja ou des gens qui sont tombés dans le takfirisme ou des gens qui sont tombés dans je ne sais quoi. Ici, il va parler avec eux et tu verras qu'il y a des gens qui disent Cheikh Al-Albani dans le niqash, il est Allah ibarak tabarakallah, c'était quelqu'un de très très très très fort. Rahimahullah rahmatan wasi'a, et toujours calme et toujours posé. Et pourtant, les gens, souvent, vous allez voir dans les niqash, ils manquent de respect. Là, mais on parle de niqash, c'est pas t'as dit ça, t'as pas dit ça, ceci d'enfant. Là, on parle de l'ilm, c'est-à-dire qu'il y avait des têtes devant lui quand même. Et si vous regardez souvent des conversations de Cheikh Al-Albani avec des élèves ou des gens, vous allez voir que c'est quand même lourd en ilm. Et souvent, vous allez entendre l'élève qui va dire, oui, mais ce hadith-là, il est faible. Et Cheikh Al-Albani rit. Il dit, oh, Ajib, qui t'a dit qu'il était faible? Bah, c'est toi qui l'as dit. Il dit, ah, mashallah. Ah, là, tu dis, c'est moi. Donc, tu utilises ce que tu apprends avec moi pour vouloir quelque part m'attaquer et venir, dire comme quoi je suis éri. Pour montrer que ça, c'est hada min qillatil adab. Il y a des gens, voilà, wal'iyadu billah, qui viennent apprendre avec des savants ou avec des chouyours et autres. Ils bénéficient de leur science, mais ils utilisent cette science pour les attaquer après, wal'iyadu billah. Et ça, c'est quoi ça? Il y a des gens, wal'iyadu billah, ils le font. Volontairement, des autres, involontairement. Comme Allah Jalla wa Ala, il a mis en garde contre ceux qui vont rentrer en enfer et qu'ils apprennent la science. Mais ils apprennent la science pourquoi? Pour entrer dans le jidal avec qui? Avec l'ulama et débattre avec les faibles d'esprit. Wal'iyadu billah, ils seront en affaire. Pourtant, ils ont appris l'ilm. Mais pour quelle intention? Pour débattre, pour rabaisser, pour faire mal aux savants, aux gens de science, et la akhir. Donc nous disons ici, attention, quand il y a quelque chose d'ambigu, on renvoie directement à quoi? Le muhkam. Ce qui est clair. Et dans ce qui est clair, le prophète Hassan dit dans Sahih Muslim, إن الله كتب في كتاب وهو عنده فوق العرش وهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي في رواية. Il y a plusieurs versions sur ce hadith là. ما ici dans رواية سبقت ما miséricorde a devancé, a vaincu dans une autre version ma colère. Mais ici le prophète عليه الصلاة والسلام a dit quoi? Allah il a écrit dans un livre qui est عنده فوق العرش, auprès de lui, au-dessus du trône. C'est clair. Et tous les textes le montrent. Allah Azza wa Jalla qasama samawati wal ardh fi sittati thumma stawa 'ala al-'arsh. Ensuite, il s'est établi au-dessus du trône. Tout ce qui est clair, non. Mais vous regardez ce qui est ambigu. Vous direz fi samaa. Donc voilà, faut savoir. Vous dites au-dessus des cieux de trône, après vous dites dans le ciel. Donc ça veut dire dans, c'est comme si vous parlez de l'eau qui est dans un verre d'eau. Donc ici, c'est les cieux qui contiennent Allah. Wal 'iyadu billah. Regardez les gens qui jouent ici avec ilmul kalam. Et il rentre dans ta'wil, dans l'interprétation, qui est fondée ni sur le Coran, ni sur la Sunna, bifahmi, salafil umma, walakin sur leur passion. Clair? À la kamal Aisha? 54, hein? Wadih? Donc on dit ça, ithbat al-ulu. Hadi al-aya tadullu ala ithbat al-ulu. Cette aya, ce verset coranique, prouve et affirme ici l'établissement, l'affirmation de l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wadih? Et ici, parmi les choses à retenir, c'est que Allah Jalla wa Ala, il montre sa douceur, son indulgence, quand il dit أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَرْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضِ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. Allah Jalla wa Ala, il dit, êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel vous enfouisse ici en la terre et voici qu'elle tremble. Ensuite, Allah Jalla wa Ala, il répète أَمْ أَمِنْتُمْ, ou bien, il dit un autre cas, ou bien êtes-vous à l'abri أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. Ou bien êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel vous enfouisse en la terre et voici qu'elle tremble, ou bien êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel envoie contre vous un ouragan de pierre, vous saurez ainsi quel fut mon avertissement. Allah Jalla wa Ala, il rappelle que personne n'est à l'abri de son châtiment, subhanahu wa ta'ala. Mais avec cela, est-ce qu'Allah Jalla wa Ala, dès qu'il voit qu'il y a des associateurs ou des gens qui ne sont pas croyants, il envoie sur eux des pluies de pierres, ou bien ici Allah Jalla wa Ala dit fahiya tamour, ici il parle de taji, d'accord, wa tadhhab, c'est-à-dire elle vient, elle part. On parle de quoi? La terre. C'est-à-dire que, est-ce que vous êtes à l'abri? Ici, que celui qui est au ciel vous enfouisse en la terre et voici qu'elle tremble. D'accord? Personne n'est à l'abri de cela. Lakin, est-ce qu'Allah Jalla wa'ala fait toujours trembler la terre dès qu'il y a des non-croyants dans un endroit? Abadan. C'est pour ça que les savants, ils disent, هذه الآية تدل على لطفه سبحانه وتعالى. Et on avait dit quoi avant? وهو اللطيف الخبير. Et regardez, pourtant Allah, il parle ici de dureté. Êtes-vous à l'abri que, voilà, qu'il vous arrive cela, des pluies de pierre, ou là des tremblements, ou là des... Mais pourtant, ici, Allah, il parle de châtiment, mais là aussi, même quand Allah, il parle de châtiment, on voit la douceur et l'indulgence ici, et la bienveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Et c'est pour ça Allah, il rappelle, huwa al-latif al-khabir, parce que, est-ce qu'il le fait? Il le fait ou pas, Allah? Dans tous les cas, envers tout le monde. Il le fait pas. Est-ce que là, au jour d'aujourd'hui, sur la surface de la terre, il y a des non-croyants? Est-ce qu'Allah, Jalla wa ala, partout, 24 sur 24, où il y a des non-croyants, il fait trembler la terre, il leur fait descendre. Vous entendez tous les jours dans la météo, ah, voilà une pluie de pierre dans le sud de tel endroit, et descend. Si on entend ça, on va être... Ouais. Donc, Allah, Jalla wa ala, l'ulama, il dit ça, c'est la preuve. Ici, que Allah, subhanahu wa ta'ala, il est indulgent, il est doux, il est bienveillant, subhanahu wa ta'ala. Et il se précipite pas pour descendre son châtiment, pour faire trembler la terre, n'importe quand, à n'importe quel endroit. Al-Mawr, Wahiyatamur, certains gens de science ont dit que c'est le terme le plus approprié pour indiquer les tremblements de terre. Ils disent Az-Zalazil, ou bien Az-Zalzal, Az-Zalazil, Jam'u Az-Zalzal. Ici, ils disent quoi? Ça, c'est un terme bon au niveau de Al-Lura. Et c'est connu. Lakin, le meilleur terme qui est plus précis, c'est Al-Mawr. Parce qu'Allah, il dit Wahiya Tamur. Et dans la langue arabe et chez les arabes, c'est connu Tamur. Kama qala ibn Kathir, ay tadhhab wa taji wa tatrib. D'accord? C'est-à-dire qu'elle, c'est plus détaillé. C'est la terre qui vient, qui fait des allers-retours et qui tremble et qui, dans la définition en arabe et chez les arabes, Tamur, Al-Mawr, ça décrit plus les tremblements qui existent au jour d'aujourd'hui que Az-Zalazil. C'est pour ça que c'est mieux d'utiliser le terme al-mawr, wahiya tamur, comme Allah Jalla wa ala l'a expliqué ici dans ce verset coranique. Amma zalzal, c'est bon aussi. Et Allah l'a utilisé dans le Coran al-Karim. Idha zulzilatil ardu zilzalaha. Lakin ils disent que c'est plus précis et plus détaillé. Wahiya tamur. Et Allah Jalla wa ala rappelle qu'il ne châtie pas. D'accord? La personne dès qu'elle a fait un péché. Parce que s'il le faisait, il resterait plus personne sur la surface de la terre. Comme قال سبحانه وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم فان الله كان بعباده بصيرا. الله جل وعلا يجي في القران الكريم ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا. Si Allah châtie, prenez les gens pour ce qu'ils commettaient ici, il n'aurait épargné à aucun être sur la surface de la terre. Personne n'aurait été épargné. Ça veut dire que si Allah Jalla wa Ala, dès que quelqu'un faisait un péché, dès que quelqu'un, Allah Azza wa Jalla, voyait qu'il avait commis une chose grave, Allah le châtie. Allah Azza wa Jalla dirait, il dit, subhanahu wa ta'ala, qu'il ne resterait plus personne sur la surface de la terre. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Mais il leur laisse un délai jusqu'à un terme bien déterminé. Fa'idha ja'a ajaluhum. Et quand leur terme vient, c'est-à-dire Allah Jalla wa Ala, à ce moment-là, il va les saisir, clair? Wa kana Allahu bi'ibadihi basira. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est certes clairvoyant envers ses serviteurs. Quant à l'état, quant à ses serviteurs, subhanahu wa ta'ala. Donc Allah Jalla wa Ala nous rappelle ici, encore ici, qu'est-ce que c'est que le terme latif? Qu'est-ce que c'est que ce magnifique nom qui fait partie de Asma'illahi Azza wa Jal, al-latif? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est latif, comme on l'avait déjà cité. Et Allah Jalla wa Ala, ensuite, après cela, il parle de la création. Et après qu'il a poussé l'insan à méditer, quand il a parlé de la terre, quand il a dit, famshu fi manakibiha, quand il a dit, parcourez la terre, quand il a montré qu'il nous a quelque part assujetti la terre, il nous a facilité les déplacements sur la terre, c'est pour nous pousser à quoi? At-tadabbur, la méditation. Comme il se doit. Parce que quelqu'un, ici, bin nadar, at-tadabbur wa at-tafakkur. Parce que, rubbama l'insan, يرى ذلك وليس بنظر التدبر والتفكر. Il va regarder comme ça cette chose là, pas avec un regard de méditation. عادي. Et alors quoi, il y a la terre et on peut se déplacer n'importe où et après. Mais là on parle de la personne qui médite quant au verset coranique, qui médite quant à la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, il se dit subhanallah. Il peut dire que ça subhanallah, gloire à Allah, c'est vrai subhanallah. Regarde, on voit que elle a été mise en place, elle a été créée, d'accord? Et elle a été facilitée, cette terre-là, pour qu'on puisse y vivre, pour qu'on puisse y dormir, pour qu'on puisse respirer, pour qu'on puisse s'abreuver, se nourrir, se déplacer, il a akhiré. Le temps de la nuit, c'est le temps qu'il faut à un être humain pour dormir. Le temps où Allah subhanahu wa ta'ala éclaircit toute chose avec le soleil, c'est le temps que l'être humain peut supporter en général avant d'être épuisé. Imaginez-vous les journées, il durerait 48 heures, une journée. Est-ce que l'être humain pourrait supporter? Il pourrait ou pas? Mais pourquoi Allah Jalla Ala, regardez, il a fait vraiment ce que tu peux supporter la journée, khlas, tu peux plus t'es fatigué, khlas, Allah il t'a mis la nuit. Subhanallah, après on va dire, oh c'est venu comme ça. On voit que c'est mis à notre disposition, comme la terre. Et Allah Jalla Ala, il te pousse à méditer et ensuite, il rappelle, il oublie personne, même pas les animaux. Et Allah Jalla Ala, après il rappelle que quoi? Pour vous la terre elle a été facilitée, mais pour d'autres espèces c'est le ciel. Et il parle des oiseaux. Et regardez l'équité, al-adl d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rubbama al-insan, il va lire ces versets coraniques. Mais ça n'a rien à voir quand tu participes à un cours et quand tu comprends comme il se doit, bifahmin daqiq. Et là tu te rends compte, regardez l'équité, al-adl. Et regardez comment ils sortent, al-ulama, al-adl de ces versets coraniques, ils donnent de l'importance même aux animaux. Après qu'il parle de l'être humain, huwa alladhi yamshi 'ala al-ard, fawqa al-ard, il parle de quoi? At-tayr, fawqana, fawqakum, comme qu'a dit subhanahu wa ta'ala. Il parle de quoi? L'oiseau qui est au-dessus de nous, qui est au-dessus, qui vole dans les cieux, et il rappelle qu'Allah Jalla wa Ala lui a facilité ici le fait de se déplacer dans les cieux. Et regardez Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran al-Karim, ici, أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَقْبِضٍ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنِ. Allah Jalla wa Ala, il nous pousse à la méditation, et il dit, en effet, n'ont-ils pas vu les oiseaux au-dessus d'eux, déployant et repliant leurs ailes, tour à tour, seul le tout miséricordieux, les soutient, car il est sur toute chose clairvoyant. Allah subhanahu wa ta'ala, il te pousse à quoi? À la méditation. Et regardez, Al-Qur'an Al-Karim. On pourrait s'arrêter là et dire, bah, khlas, la méditation, c'est vrai, subhanallah, déjà on a compris l'adl, Allah il parle des êtres humains, la terre, ah oui, c'est vrai, subhanallah, après les animaux, le ciel, regardez l'équité, mais on va plus loin. Allah Jalla wa Ala, il a dit, فوقكم, فوقهم, أولم يروا. Est-ce qu'ils n'ont-ils pas vu? Donc il nous pousse à quoi? À raisonner. Vous avez pas vu? Vous voyez pas la création d'Allah subhanahu wa ta'ala? Les oiseaux, il parle des oiseaux, et ici, et il dit, n'ont-ils pas vu les oiseaux? Au-dessus d'eux. Pourquoi il a précisé au-dessus d'eux? Allez, qui peut me dire pourquoi il a précisé au-dessus d'eux? Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Lakin, on aurait compris s'il aurait dit, est-ce qu'ils n'ont ou n'ont-ils pas vu les oiseaux? Mais pourquoi au-dessus d'eux? Ça, c'est une preuve qu'Allah Jalla wa Ala nous pousse et veut vraiment qu'on médite quant au Coran. Et la chose n'aurait pas été pareille si Allah il avait dit simplement les oiseaux. Parce que At-Tayr, رُبَّمَا يَمْشِ فَوْقَ الْأَرْضِ. C'est vrai ou pas? L'oiseau, est-ce qu'il marche sur la terre? Est-ce qu'il y a des oiseaux qui peuvent se déplacer? خلاص, mais est-ce que c'est le même cas et c'est aussi impressionnant et étonnant que quand il vole? C'est pas pareil. Donc Allah Azza wa Jalla précise au-dessus d'eux, c'est-à-dire n'ont-ils pas vu les oiseaux? Mais il te dit pas de fin. Non, il te pousse au moment où tu vas méditer le plus. Quand il vole, parce que quand tu dis de façon générale, tu peux regarder l'oiseau qui marche et tu vas pas être pris d'étonnement, d'accord, et tu vas pas être impressionné et tu ne vas pas méditer autant que quand tu vas regarder l'oiseau qui vole, parce que quand il marche, ça te fait rappeler à quoi? Al-insan, qui marche sur la surface de la terre. Walakin, ici il n'y a pas de différence, il marche, tu marches. Mais par contre, quand il vole, Allah Jalla wa Ala te rappelle, toi tu marches mais tu peux pas voler. Mais lui, il marche, mais par contre, il fait une chose que toi tu fais pas pour te pousser à reconnaître la puissance et la grandeur d'Allah, lui, il vole. Et la preuve, l'être humain a tellement été impressionné, étonné, qu'il a imité l'oiseau pour pouvoir construire quoi? L'avion. Ça c'est clair. tous les ingénieurs, tous les professionnels, tout le monde dira, et même la plupart ici des machines, la plupart des moyens de locomotion, etc., ils ont été copiés sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Clair ? Maintenant, on pousse un peu plus loin. Et on va terminer ici, inshallah. Pourquoi maintenant, et parlons sérieusement, pourquoi quand on voit l'oiseau qui vole au-dessus de nous, on va pas être autant ou plus impressionné que si on voyait un avion décoller juste au-dessus de nous? Pourtant, le premier, c'est la création d'Allah. Jalla wa ala, aucune intervention de l'insan, de l'être humain. Mais le deuxième cas, c'est l'avion. C'est l'intervention de l'être humain. Et Allah a créé toute chose, mais c'est l'intervention de l'être humain. Donc c'est quoi le plus grand et le plus impressionnant? C'est l'oiseau ou c'est l'avion? C'est l'oiseau. Mais pourquoi on va être plus impressionné? Quelqu'un va dire, non moi, abadan, toi tu vas être dans un aéroport, tu vas voir peut-être 500 oiseaux passer devant toi. Mais tu vas voir un avion décoller, tu vas... Oh, subhanallah. C'est vrai ou pas? Donc pourquoi? Pourquoi cette différence-là? Pourtant la création d'Allah Azza wa Jalla, elle est beaucoup plus grande. On a plus conscience de... Non. Attention à ce que tu dis. Pas conscience que c'est... On a plus conscience que c'est plus dur, c'est plus grand quelque part, tu dis, la création d'un avion que de l'oiseau. Non. On se rend plus compte quand on voit l'avion. Moi je vous dis c'est... Naam. Ça c'est Al-Fitra aussi. Ça c'est la nature saine. Parce que tout le monde va reconnaître à travers ce comportement, quelqu'un pourrait dire l'inverse. Regardez, il va jouer avec vous en disant, ah bah t'as vu, tu vois que la création, regarde, bah, les oiseaux, regarde, ça c'est plus impressionnant, c'est l'être humain. Pourquoi on est plus impressionné? Parce que ici, on sait au fond de nous, et même de façon extérieure, et clair et apparent, que l'avion c'est une création. Tout appartient à Allah Azza wa Jal. Mais c'est l'intervention de l'être humain. Clair? Tandis que l'oiseau, au fond de nous, tout le monde sait, la fitra fait que les gens reconnaissent que ce n'est pas possible que c'est un être humain. Ça c'est la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Clair? Vous suivez? Ça veut dire que quoi? Donc, cette fitra-là et cette reconnaissance-là va faire que tu vas avoir un certain apaisement. Parce que dans le premier cas, tu sais que l'insan, il est faible. Tu sais que c'est l'intervention, c'est les mains de l'être humain. Donc quand tu vois que l'être humain, cet homme faible, au fond de toi, mais par contre toi, tu vas pas l'expliquer comme ça parce que tu te rends pas compte. Mais là, on parle dans le fort intérieur. Au fond de toi, tu sais très bien que l'être humain, il est faible. Quand il construit quelque chose et que tu vois que, khlas, il a construit quelque chose en imitant la création d'Allah et que cette chose-là que l'être humain faible a construit vole, le fait que tu es étonné, c'est dû à la peur, à la crainte. Parce que tout le monde a peur en général quand il y a un avion, quand on monte dans un avion qui tombe. Pourquoi on n'a pas peur qu'un oiseau il tombe? Parce qu'on sait très bien que là, c'est Allah qui l'a créé. Pas de doute. C'est perfection. Tandis que on reconnaît, nous, que l'être humain, quand il construit quelque chose, là, cette peur-là va nous pousser à avoir un étonnement. Voir cette grosse machine qui vole, parce qu'on a cette peur, on dit subhanallah, et regarde. Et quand on dit subhanallah, on a cette peur. Et imagine, il tombe, regarde, il vole. Même on est pris d'étonnement, il vole. Mais quand tu vois l'avion, c'est pas que comme quand tu vois At-Tayr, l'oiseau. Parce que l'oiseau, il vole, tu as plus d'assurance. La fitra te fait dire, c'est Allah qui l'a créé. Il vole. Il va pas s'écraser comme un avion. Est-ce que vous avez des oiseaux qui s'écrasent comme un avion? Donc tu es plus apaisé, ça fait que tu es quelque part moins pris d'étonnement. Pas parce que tu penses que la création de l'avion est plus grande. Au contraire, le fait que tu es moins étonné, c'est que tu es plus apaisé. Et le fait que tu es plus apaisé, c'est que tu reconnais que la création d'Allah Jalla wa Ala est beaucoup plus grande que la reproduction ou la fabrication de cet engin qui est créé par l'être humain faible et qui peut s'écraser à n'importe quel moment parce que l'être humain il est faible. Mais avec cela, il arrive quand même à voler dans les airs par la permission d'Allah Jalla wa Ala, et simplement parce qu'ils ont imité, d'accord, une création parmi les créations d'Allah Jalla wa Ala. Et bien sûr, à l'unanimité des gens, l'oiseau ici, on ne pourra jamais dire qu'il équivaut à quoi? À l'avion. C'est impossible. C'est incomparable. L'oiseau, il n'a rien à voir et il se déplace pas comme comme l'avion. Et l'oiseau, il n'a pas besoin d'une piste d'atterrissage de je sais pas combien de mètres pour atterrir, une piste de décollage, je sais pas combien de mètres, tant d'essence, tant de vérification. Qui s'occupe de ça? Toute la maintenance de l'oiseau, elle est où? subhanahu wa ta'ala l'a créé. Clair ? Wallahu ta'ala a'lamu ahkam, walhamdulillahi rabbil alamin.